c'est la chance aux coureurs. Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 3 heures, on va découvrir ces nouveautés qu'on a reçues assez fou pendant la semaine. On a reçu des tonnes de choses, dont beaucoup de francophones. On va entendre tantôt le nouvel album de Navet Confi. On a aussi, je regarde ma pile comme ça, des choses très intéressantes, comme Qui m'aurait cru, Gaël, pourquoi pas. Et Geneviève et Mathieu, c'est avec eux qu'on va commencer leur album qui s'appelle Rouge Gorge. Et voici tout de suite la pièce Radio Cobalt. À La Chance au coureur, assez fou, 89.1 FM. Prochaine station, le 89.1. Je ferai tout ce dont j'ai rêvé, je me dirai tu es. Vraiment, pendant que tu joues de mes sentiments, je ne sais pas pourquoi. je souris, tout à coup je pleure. On m'a peut-être fait quelque chose, c'est drôle, je ne m'en souviens pas. Geneviève et Mathieu avec Ne pleure pas de leur nouvel album Rouge Gorge à la chance au coureur. Geneviève et Mathieu, un groupe de Rouyn-Noranda. Parlons un petit peu d'eux. Leur nouvel album est en magasin le 25 septembre. Un duo musical de Rouyn-Noranda formé en 99. Ce duo amoureux se caractérise par son approche interdisciplinaire en regroupant art plastique, poésie, performance, humour et mélodie. La force majeure de Geneviève et Mathieu, c'est l'explosion visuelle et improvisée qu'ils offrent à chacun de leurs spectacles. Nous n'avons qu'à penser à Geneviève brandissant son bâton de feu rose fluo pour ensuite effectuer le lancer des mitaines à fourneau sur une foule agitée. Sans oublier Mathieu et son carton s'improvisant breakdancer dans la foule aux Francopholies de Montréal, par exemple, dit leur document de presse. En octobre 2001, le duo lance leur premier album autoproduit Mélodie et poursuit sa quête musicale en mai 2003 avec leur deuxième disque autoproduit Crions notre joie. Ils nous présentent maintenant leur troisième album Rouge Gorge sur l'étiquette Proxénète de Fusion 3, enregistré en Abitibi avec la collaboration de Thomas Augustin qui travaille avec Malajube et Jacques Mort au clavier et aux arrangements. Avec ce tout nouveau disque, Geneviève et Mathieu se frottent plus que jamais à la chanson construite, mélodique et accrocheuse, tout en laissant leur cerveau dans les mains de leur imagination débridée. Dorénavant, quatre en spectacle, Geneviève et Mathieu transposeront donc sur scène, avec justesse et splendeur, la folle beauté de ce disque. Voilà donc pour la formation de Geneviève et Mathieu. Maintenant, on saute à un autre album de francophone. On a reçu le disque de la formation La Contrebande. Leur MySpace est au... Ah, attends, j'ai oublié de dire... Ben oui, disons donc le MySpace de Geneviève et Mathieu avant de terminer ça. MySpace.com/Geneviève et Mathieu. Mathieu avec deux T. Et site web officiel GenevièveetMathieu.ca. Voilà. Maintenant, passons à La Contrebande, au MySpace.com/La Contrebande. On s'en va entendre tout de suite la première pièce de leur hippie, leur maxi de seulement 5 pièces. Voici Singulier Désordre. Ça se passe maintenant à La Chance au coureur, émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À CFU 89 FM, votre radio campus, à Trois-Rivières. bouffé à ta table. On est dans sa galère. Un sac de poubelle. Deux pièces de la formation La Contrebande à la Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je vais vous dire les pièces dans un instant. C'était en premier Singulier Désordre et ensuite, ensuite Malgré le bombe, Rough Mix. D'accord, le bombe. Les membres sont Serge Capistran à la guitare et la voix, Jimmy Raymond Lacroix au texte, voix et guitare, François Plante à la basse et la voix, et aussi Alex Gauthier, bassiste, Major Bidet, Kamenja. Qui travaille, j'imagine, avec Major Bidet et Kamenja. J'ai aucune idée, c'est listé comme ça. Pascal Lepage, batteur Kamenja. Et Martin Lavallée, batteur Steve Hill et Pagliaro. Voilà. Donc, là, je vois des citations de documents de presse. C'est la place de donner un vrai texte fait eux-mêmes. Ils nous ont juste donné des coupures de presse. Fait que je vais en lire une au moins. C'est la plus courte. À l'amorce de la deuxième semaine des quarts de finale d'Emergenza, trois groupes nous restent en tête. L'auditoire refroidi par la suite aura un regain de vie durant le spectacle des Bed and Breakfast. Donc, la contrebande. C'est marqué la contrebande en parenthèse. J'imagine que dans le temps, ça s'appelait Bed and Breakfast. L'amalgame homogène de folk, punk, rock, polka du groupe n'a d'égal dans son originalité que la présence de Jimmy Lacroix, chanteur, conteur excentrique de la formation de Sorel. Un très bon show, dit Charles-Olivier Laplante dans Le Voir. D'accord. Et ça dit, venez fêter en famille la bottine souriante, Bed and Breakfast, en première partie, vendredi 31 décembre 2004 à 21h. Donc, ils ont fait la première partie de la bottine souriante. C'est super. Il y a aussi la fiche technique pour les musiciens et le plan d'une salle. Voilà. Donc, c'est La Contrebande. Si vous voulez plus d'informations, allez voir myspace.com/La Contrebande. Maintenant, on poursuit avec un album. Ah, tiens, non, j'ai envie d'écouter ça parce que ça a l'air très, très bon. C'est en fait un single, un simple d'une formation qu'on avait reçu il y a quelques années de ça. C'est fou, on avait bien apprécié leur pièce. La formation, c'est El Motor. Et on s'en va entendre tout de suite leur simple Alinéa. Et ça se passe maintenant à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À CIFU 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Se faire vider la tête. Par pour le nouvel album de Navet Confi à la chance au coureur. De retour à la chance au coureur, tout de suite, voici le nouvel album de Navet Confi et la pièce La Poste. C'est la chance au coureur. Confier La Poste, tout de suite voici la pièce aujourd'hui, toujours de l'album LP2 à la chance. Au courage! Je suis allé au magasin. tellement bon, vous m'avez confié, que je pense qu'on va se gâter un peu, manger une autre pièce. Et voici, elle s'appelle Onari, de leur album LP2. C'est la chanson coureur à C'est Fou 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Te prendre en photo dans le noir, avaler des cachets. Avait confié à la chanson coureur avec trois pièces La Poste aujourd'hui. Et puis on arrive à la fin, ça va être leur album LP2 qui sort. Là, tout nouveau comme ça. C'est bon. Hein? On aime les nouveautés. Oui, j'adore. On avait confié un petit groupe de Montréal et c'est du indie pop psychédélique qui dit sur leur MySpace ou myspace.com/barbie n'avait confié. Ça dit ici, tiens, que n'avait confié.com, premièrement, c'est leur site web. Sur album n'avait confié et puis en live n'avait confié les Jolis Chapons, Demi Lucide, Lydia Champagne, Alex Champigny et Pierre-Philippe Côté. Quelques spectacles en duo avec Carl-Éric Hudon et autres éventualités schizophréniques. J'ai vu une petite critique du ici. Le journal ici de Navet confie LP2. On l'avait à l'œil, ce navet, certain qu'il continuerait son envolée évolutive. Eh bien, c'est chose faite, c'est trop court EP et son aussi bref LP1 trouve réponse ici avec ce double album fort bien construit à l'écriture musicale ayant pris de la maturité. Donc, deux CD dans une seule pochette pour Navet confie. C'est très, très bon. Voilà. Donc, vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, je m'appelle Anna Luyez. C'est vrai, ça? Oui. C'est vrai. Les Dorothées. Avec les putes de Paris, ça m'intéresse d'aller entendre moi ça. Moi aussi. Dorothée, je sais pas si tu connais, c'est qui? Non. Oui, je connais les émissions pour enfants. Oui. C'est ça, oui, je connais Dorothée. Mais... toute mon enfance. Je sais qui au moins. Ah. Un souvenir. Non, je me rappelle d'avoir écouté ça assez régulièrement, mais bon. Les souvenirs sont pas restés. Parfois on a besoin de compagnie. Et les nanas chouettes sont à Paris. C'est pas vrai ça, maman? Oh oui, c'est vrai, ça con. Je me souviens, en 1947, j'avais 20 ans, j'étais un jeune gaillard. Oh. parle des putes sur le cercueil de Joe Dassin. Mais la prostituée me dit: je prends pas les francs. Et moi je lui réponds: tu les prenais avant. Et le proxénète me dit: ça a changé maintenant. Il pleut des putes sur Paris. Il pleut des putes. Dorothée avec les putes de Paris, premier extrait. Il faut pas se fier aux apparences, dit le proverbe, dit le communiqué de presse. C'est tout à fait vrai, surtout lorsqu'il est question du groupe Les Dorothées. Pour la sortie de leur second album titré Danse et Explose, le premier lancé par les disques Tox, la formation originaire de Repentigny et de ses environs a amputé son nom de quelques mots. Ainsi, Dorothée est une salope s'appelle désormais Les Dorothées. Eh ben, c'est le fun. Le groupe se serait-il assagi? Oh que non. On se rappelle, Dorothée est une salope qu'on avait fait jouer assez fréquemment il y a quelques années de ça. Après avoir brisé la glace en 2005, avec l'album Dorothée est une salope, puisse être fait remarquer grâce aux chansons Dorothée et Les Fraises, diffusées dans les radios alternatives et communautaires de la province. Les Dorothées remettent ça avec le premier extrait de l'album Danse et Explose. Pour prouver qu'il n'a rien perdu de sa verve et de son humour, le groupe présente Les Putes de Paris. Voilà. On était dans un café-bistrot et il y avait de la musique française qui jouait. Le guitariste Sébastien Gouget a alors trouvé des accords qui rappelaient la chanson française et le groupe s'est dit « Amusons-nous avec cette musique », ajoute Mathieu en riant. C'est super plate comme tête. Après le premier moment de surprise passée, blablabla. L'album « Danse et Explose » sera disponible le 16 octobre. C'est là que ça voulait en venir. Les informations sont sur leur site web passerparlunechance.com pour aller le trouver parce que j'ai même pas envie de chercher pour vous le dire. Prochain disque qu'on s'en va entendre. On sent mon émotion là. C'est tellement beau. Qui m'aurait cru? Deuxième album, qui m'aurait cru deux, c'est ce que je vois sur le bateau. Donc, qui m'aurait cru, j'imagine que c'est leur deuxième album. On s'en va entendre une pièce quelconque de l'album. Tu sais, pourquoi pas la première? Mon arbre reel de Lance McInnis. Mon arbre reel de Lance McInnis. À la chance! Au coureur. Oui, oui. C'est la seule affaire que je t'ai fait dire. C'est pas grave. La chance! Au coureur! Encore une fois, la chance! Au coureur! Cool. Si fort, si fragile à la fois. Il est grand temps d'y voir maintenant. Il va toucher le ciel de ses beaux parements, m'invite à aller voir un instant. J'ai monté doucement sur la pointe des pieds, aller voir si tout ça était vrai. J'ai monté doucement sans jamais m'arrêter, sans me détourner de son sommet. D'être si haut et de voir si grand, on ne vit simplement qu'au présent. J'ai crié fort ma peine pour être bien en dedans, je me suis laissé bercer par le vent. Mais le vent a tourné, le soleil s'est couché, pris au piège par la fragilité. En regardant plus bas, tout mon corps a tremblé. Ici, je resterai pour lutter. Mais moi, j'ai vécu de ton fruit bien longtemps. J'ai appris ton secret sur la vie et les gens. Que la peur est enfouie quand on se regarde en dedans. Que mon arbre et ma vie renaîtront au printemps. Crier sur les toits, m'avoir vu un moment. Serrer fort ton sommeil, regarder devant. Mes peurs et mes peines sont plus légères qu'avant. Je suis bien libre, je redescends. Cru, c'est pas parce qu'on aime ça qu'on devrait pas mettre une deuxième pièce, qu'on aime pas ça, qu'on devrait pas. On leur donne une deuxième chance. Ouais, c'est ça. J'ai un petit peu raté ma phrase. Macho Gumbo de l'album Qui m'aurait cru d'eux. À la chance! Au courant! Samedi soir, je m'en vais à danse. Bloody pas que ça recommence. Je sens en moi comme un instinct animal. Y'a une jolie blonde dans le coin. Une petite brune à côté, pas loin. C'est pas long, mon frère, que ça va faire mal. Toi, oh, mon petit garçon, y'a personne pour chanter l'amour comme toi. Toi, oh, mon petit garçon, j'pourrais-tu chanter avec toi? Là, c'est le temps d'essayer quelque chose. Là, j'm'approche de la belle pis j'y cause. Qu'est-ce que tu manges pour avoir les yeux comme les tiens? Tu restes-tu encore chez maman? Qu'est-ce que tu manges en te réveillant? C'est moi qui fais les crêpes demain matin. Oh, oh mon petit garçon, y'a personne pour chanter l'amour comme toi. Oh, oh mon petit garçon, j'pourrais-tu chanter avec toi? J'aurais remarqué ma jolie, une étoile filante qui file, ça laisse des traces. Si belle qu'elle annonce de beau temps, une fleur des champs qui pousse dans le ciment. J'en perds les mots, c'est rare, c'est pas des farces. Oh, oh mon petit Gaston, y'a personne pour chanter l'amour comme toi. Oh, oh mon petit Gaston, j'pourrais-tu chanter avec toi? Oh, oh mon petit Gaston, personne pour chanter l'amour comme toi. Oh, oh mon petit garçon, j'pourrais-tu chanter avec toi? qui m'aurait cru avec la pièce Macho Gumbo de leur album qui m'aurait cru 2, qui m'aurait cru, qui est un groupe. Demi. Oui, exactement. Le groupe qui m'aurait cru au cours de l'année. De la prochaine année, commencée au début août, le groupe Qui m'aurait cru mettra en ligne les 26 compositions de son répertoire tirées des disques En attendant et Qui m'aurait cru 2. Donc c'est bien un deuxième album. Ah d'accord. Mais leur premier album s'appelait En attendant. Ah. Toutes les deux semaines, une nouvelle chanson sera disponible en format MP3 sur le site web du groupe au www.quimaurecru.com. Cette démarche a pour but de promouvoir notre site internet et de diffuser notre musique au plus grand nombre de personnes possible. Évidemment, c'est pas ma musique, c'est leur musique. Ouais. Nous voyons dans cette avenue un moyen de se faire connaître auprès des diffuseurs de spectacles, des médias et surtout du public québécois. Nous avons fait le choix de ne pas distribuer notre musique de façon conventionnelle, étant donné les pratiques commerciales qui sont à la base de l'industrie du disque. Notre démarche ne tient en aucun cas à encourager le téléchargement illégal de musique via internet. Nous avons fait le choix de se distribuer ainsi et cela n'implique que nous. Nous espérons vous faire partager notre plaisir de faire de la musique et surtout de vous voir à notre prochain spectacle. Merci et pour plus d'informations ou de... Voilà. Wow, pour plus d'informations, leur site internet www.quimaurecru.com. Quimaurecru, Q-U-I-M-O-R-U-C-R-U. Mais tout ça, vous retrouvez sur lachance.com. Unechance.com. C'est gentil de leur part de nous avoir envoyé un texte parlant de rien par rapport au groupe. C'est ça. J'aime ça. C'est très très le fun. Troisième pièce, voici tout de suite Martin. C'est ce qui va terminer la première heure de la chanson au coureur. Les auditeurs du vendredi s'en vont entendre les nouvelles de Radio-Canada. Les autres, restez là. Viens que je te colle, que je te fais un bisou. Viens dans mes bras, viens me pogner par le cou. T'es mon trésor, tu sais je t'aime beaucoup. Dodo, cocotte, moi aussi, moi et tout. Martin est parti il y a longtemps, parti chercher gloire et argent, à 100 000 lieues de son pays, en ville loin de chez lui. Embarque dans le char tous les bagages, je déménage à Montréal, pour vivre en appartement, peut-être avoir des enfants. Une femme, un chien, un peu d'argent, m'en venir un peu plus grand dans. Puis là je vais vouloir m'arrêter, prendre mon souffle et respirer. Un peu plus tard, à y penser, penser à tout ce qui va me manquer. Puis là je vais me mettre à répéter. J'suis pas si con, assis dans mon salon, à gratter ma guitare, à changer le monde à ma façon. Martin est dans la construction, démoli et bâti des ponts. Tous les soirs, tous les matins, dans la circulation. C'est pas de ça que j'avais rêvé, le jour où je voulais tout changer. Je pensais pas que j'aurais mangé encore du ballonné. Que je m'aurais bâti une prison entre ma cuisine et mon salon. Parce que les ont tout un prix, pis il faut bien payer le bâton. Un peu plus tard, m'a y penser, penser à tout ce qui va me manquer. Pis là, je m'en mets à répéter. J'suis pas si con, assis dans mon salon, à gratter ma guitare, à changer le monde à ma façon. On commence la deuxième heure de la chanson coureur. Voici Gaël et l'idéal tango. Assez fou, 89.1. Enfin. Moi la grande dame aux gants de velours, à la robe noire qui moule mes contours, une feinte à la cuisse pour mieux vous faire la cour. Vous succomberez sans autre discours, je suis l'idéal. Perle rare, femme fatale, je suis la star, je ne suis ni méchante ni rebelle, je suis la plus belle. Je danse, c'est un livre en tango. Je danse seule. en pur caoutchouc. Les vraies nuits d'ivresse, une taille de guêpe victime de son succès. Des hanches qui tanguent et des fesses qui se dressent. Je suis Lila, perle rare, femme fatale. Je suis la star, je ne suis ni méchante ni rebelle. Je suis la plus belle. Je danse, danse, c'est un livre en tango seul dans mon scénario. On va écouter La Maison Vide. La Maison Vide. Ah, ça fait... Il reste la photo du quartier, le camp de boxe du petit Junior, la robe de bal d'Éléonore, multicolore. Il reste un tableau de Dali, une carte postale de la tante Adèle, du pain rassis sous un peu de miel, arc-en-ciel. Seule la vieille maison vide, tout en pleurs, cherchant son petit monde. La pendule a perdu ses aiguilles et sur le sol la ronde. Il reste les voisins mexicains, le vieil hibiscus qui rêvait de partir, des rideaux troués tissés de souvenirs à reconstruire. Il reste des morceaux de passé, des portes sans serrure, des mémoires sans clé, au bout de l'escalier, la cheminée abandonnée. Seule la vieille maison vide, tout en pleurs, cherchant son petit monde. La pendule a perdu ses aiguilles et sur le sol les heures font la ronde. Son cœur s'est vidé, ses murs n'ont plus de rire à porter. Un beau matin d'été, ils l'ont déshabillée, la laissant toute seule, la vieille maison vide, tout en pleurs, cherchant son petit monde. La pendule a perdu ses aiguilles, et sur le sol, les heures dansent seules, la vieille maison vide, tout en pleurs, cherchant son petit monde. La pendule a perdu ses aiguilles et sur le sol les heures font la ronde. Sur le sol les C'était Gaël avec la pièce La Maison Vide, précédée de L'Idéal Tango. Ça vient de l'album Cockpit. Ouais. Gaël avec un L, jeune auteur-compositeur-interprète originaire des Alpes françaises, d'adoption québécoise, nous présente son premier album original intitulé Cockpit, qui sera lancé le mercredi 19 septembre à Montréal, ce qui est déjà fait. Oui. Le jeudi 20 septembre à Sherbrooke, ce qui est déjà fait. Et le vendredi 21 septembre à Québec, ce qui va être fait. C'est ce soir, vendredi, si vous écoutez en direct. Exactement. Son premier extrait, L'Idéal Tango, voguera sur les ondes dès le 20 août. C'est fait. C'est fait. Métissage culturel et musical, alliage de sonorités électropop et de tradition française, l'album Cockpit dévoile l'univers singulier de Gaël. L'électrocoloriste à la voix unique, au style original et éclaté, y chante tout ce qui l'anime en mots, en musique et en images. J'adore les communiqués de presse. Lauréat du festival en chanson de Petite Vallée en 2005, finaliste du festival international de la chanson de Granby en 2005, puis récipiendaire du prix d'interprétation au festival Pouli Laveau à l'heure du Québec suisse. Suisse. Gaël a le vent dans les voiles et se lance corps et âme dans son projet d'album. L'album Cockpit sera distribué par Select à compter du 19 septembre prochain sous l'étiquette Production de Londres et le site internet sera officiellement en ligne à cette même date au www.gaël.net. Gaël, G-A-E-L-E. D'ici là, ne manquez pas ce premier rendez-vous, 20 août, date à laquelle vous pourrez entendre le premier extrait de L'Idéal Tango qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Oui. Un jour plus tard, mais c'est fait. Gaël est paré au décollage, plus que quelques jours avant le grand lancement. C'est déjà fait le grand lancement. www.myspace.com/info-Gaël. Info-Gaël. Exactement. Garde-moi ça. Donc, Gaël, c'était très bien. Je vous rappelle à la maison et partout ailleurs que vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Nous sommes Mathieu Plante. Et Anna Eliez. Et on est en direct le vendredi matin de 10h à 13h. En rediffusion un peu partout dans la semaine, allez voir lunechance.com pour les heures de diffusion. On passe de Gaël à Jérôme Minière. On a reçu enfin son nouvel album qui s'appelle Cœur au pluriel. C'est beau. C'est beau. Tellement beau. Et plusieurs, vraiment beaucoup de pièces sur cet album. On commence par la première. Voici à l'instant Brindille à la chance. Au coureur. À C'est fou 89.1. FM. La Radio Campus. De Trois-Rivières. Mon pays n'a pas faut savoir pourquoi. Il faut bien quelque chose qui nous retienne, quelque chose sous la rétine. Chacun a besoin d'un pays, même fait de quelques brindilles sous le rideau des cils. Quelque chose sous la rétine. Chacun a besoin d'un pays, même fait de quelques brindilles sous le rideau des cils. De choisir dans la vie. Un peu comme Jérôme Minière et son album Cœur, on vient d'entendre Brindille et tout de suite on écoute la pièce titre qui s'appelle elle aussi Cœur, étrangement. Cœur au pluriel, c'est mignon. Au pluriel. Avec un O et un E attaché un peu. Oh, un comme... E dans l'eau. C'est la chance. Au coureur. L'émission qui découvre les nouveautés musicales avec qui? Avec vous. Oui, exactement. Et nous aussi. Et nous. Les pays et leur population, c'est quelque chose de rassurant. Mais si on regarde avec attention, tout devient plus surprenant. Où tous ces gens qui bougent forment des populations impossibles à reconnaître. Nous sommes si petits, nous sommes si petits, nous sommes si petits. L'avion forme une population, une ville comme un fil dans les airs. Des millions d'habitants en mouvement incessant, en faire une photographie, ça serait beau. Le mouvement de leur cœur est trop petit. l'album Cœur, on vient d'entendre une pièce qui s'appelle aussi Cœur. Oh, étrange. C'est beau. C'est tellement beau. Jérôme Minière, très très bon album. En tout cas, de ce que j'ai entendu, j'espère qu'on va pouvoir en entendre d'autres pièces assez fous pendant les prochaines semaines. Non, pas de feuilles. Je cherchais une feuille de Jérôme Minière live et j'essayais de trouver des mots pour remplir, mais il n'y en avait pas. Donc, Jérôme Minière, désolé, on n'a pas vraiment d'informations aujourd'hui. On est un petit peu comme ça, broche à point quand même. Jérôme Minière, donc l'album Cœur. On passe à l'album de Mimi Rousseau qui s'appelle Belle Route. Et sans rien dire de plus, vraiment. Ouais. Allons entendre la pièce Trop long. Trop long. Contrairement à cette intervention qui n'était pas très longue. C'est pas grave. Voilà. Écoutez la chanson courant à C'est fou 89.1. FM, Radio Campus. De Trois-Rivières. Exactement. Trouvez-y un slogan. Là. Oui. Soyez fin. Jusqu'à 28 septembre. Oui. Web c'est fou à UQTR.ca. Exactement. Vos suggestions de slogan. Vous avez droit à 3. Oui, 3 par personne. À gagner un iPod Nano. Exactement, ça va être toujours plaisir. Tremblant, trop fou, trop lumineux, trop doux, trop bon, trop long. Trop prenant, trop tintin, trop important, trop bon, trop long, trop long sans t'avoir. Vous êtes toujours à la chance au coureur et voici une autre pièce de Mimi Rousseau, c'est Nobody Knows. On sait pas. Non. Non. Pas d'affaire la main. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Ça va faire. Oui. Trop lumineux, trop doux, prenne un trop tintin. Fais la dent, moi. Non, j'ai pas chanté à la radio quand même. Ok. Mimi Rousseau. Mimi Rousseau, oui. L'album Belle Route et les pièces Nobody Knows, précédé de Trop Long à la chanson Courard. Oui, apparemment sur cet album, elle a fait une adaptation de la chanson Luca de Suzanne Vega. Bon, moi je la connais, mais Mathieu ne la connaît pas apparemment, mais c'est pas grave. Donc l'album est sorti en magasin le 18 septembre, donc c'est déjà fait. Yes. Et donc voilà, Mimi, en bref, c'est. Voilà. Une personne. C'est une personne. Belle Route, l'album de Mimi Rousseau, est réalisé et arrangé par le guitariste Jocelyn Docteur Tellier, qui est aussi, entre autres, le guitariste de Dumas, Kevin Parent, Eve Cournoyer, avec la participation de Louis Lalancette, également bassiste à la co-réalisation. Mentionnons que Carl Bastien s'est joint à eux pour le mixage et Stéphie Choc, quant à lui, prête sa voix sur la chanson Tombe en moi. Ok. Bon, voilà, c'est intéressant, mais c'est super long pour ce que c'est. Et donc, en bref, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en écouter plus, je vous invite à aller sur le www.myspace.com/Mimi Rousseau. Mimi Rousseau, voilà, l'album, encore une fois, s'appelle Belle Route. Exactement. Mais déjà en magasin. Déjà ? Mais oui. Déjà ? Depuis avant-hier. Waouh ! Enfin, depuis le 18 septembre. D'accord. 18 septembre, ouais, c'est ça, c'est ça. Mieux. C'est mieux. C'est mieux, hein. Ça, c'est ça. On sait pas quand est-ce que les gens vont c'est nous ça, écouter, là. Exactement. On passe à Mademoiselle K, là. Oh, j'adore ! Pardon. Ok, c'est bon. Ben, c'est rare qu'on ait des réactions comme ah ça. Ah non, c'est je l'aime trop. Elle est vraiment géniale. Vraiment. Je l'ai ratée en concert dans mon coin cet été. J'étais vraiment très triste, mais elle est géniale, cette femme. En tout cas, elle a un dos. On sait qu'elle a un dos. Oui. C'est tout ce que je sais d'elle, parce qu'on voit vraiment son dos et sa guitare sur l'album. La pochette est classe, quand même. C'est très noir et blanc. C'est très... Oui. C'est classe, c'est vrai. On devrait aller écouter la chanson « Ça me vexe ». Bon, d'accord. Tout de suite, à la chance. Au coureur. Ça, ah ouais, je me disais bien, personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien,

déjà trop loin. Est-ce que parfois des idées noires te traversent sans crier gare? Moi j'en ai un peu tout le soir, pourvu que le temps les écrase. Est-ce que tu penses encore à moi? Encore à toi, est-ce que tu souffres autant que moi? Si c'est moi, je te pardonnerai pas. Qu'on la remplace. Non. On vient d'entendre Mademoiselle K avec Jalouse et juste avant. Juste avant, c'était l'autre pièce. Ça me vexe. Qui s'appelait Ça me vexe, c'est ça. C'est la pièce titre de l'album Ça me vexe. Excellent. Aussi. Vous êtes à la chanson au courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à CFOU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Et on continue avec le dernier artiste francophone, Benjamin Biolay. Mais avant, petit avant-goût de ce que Danny va nous présenter plus tard dans la troisième heure de l'émission. Bonjour, Danny Janvier. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, alors, oui, j'ai du Steve Hill, donc ça va rocker le dernier album de Steve Hill. On a du Boys Noize et un album peut-être qu'on écoutera un peu pour chialer. Non. Pour chialer, OK. Projet, je pense que ça s'appelle Nadia, Radiance of Shadow. J'ai bien hâte d'entendre, c'est du bruit, tu me disais. Ouais. Des pièces de 25 minutes de bruit. On va la passer au complet, on va faire la troisième heure juste là-dessus. On va la mettre puis on va s'en aller prendre, on va aller dîner. Ça serait peut-être pratique, par exemple. On continue donc avec Benjamin Biolay dans cette deuxième heure. L'album s'appelle Trash Yeah Yeah. Et à l'instant même, une pièce. Dans la mer Cobenz. Dans la mer Cobenz. Mer Cobenz. Benz. Benz. Et ça commence maintenant. Exactement. C'est ça. À la chance. Au courant. À CFOU 89.1. FM. Hey, ouais. Benjamin Biolay. Dans la mer Cobenz. Absolument, à la chanson Courard, première pièce de cet album qui se nomme Trash Yéyé. Et on s'en va entendre une deuxième pièce à l'instant. Et la voici qui commence. Elle se nomme Bien Avant. Hein? Bien Avant quoi? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Que je t'en voudrais. Bien avant qu'on se soit déçu. Bien avant qu'on soit des déchets. Bien avant ce goût de déjà vu. Je savais déjà qu'on y resterait. Que personne ne sortira d'ici. Que personne ne retiendra la nuit. Pas tous au paradis. Bien avant l'heure de la ciguë. Bien avant l'heure des indus. Bien avant qu'on s'aime. Bien avant qu'on soit dévendu. Bien avant que je t'ai renié. Je savais déjà qu'on était vaincu. Bien avant qu'on se soit cogné. Bien avant qu'on ait du vécu. Bien avant que tu te fasses soigner. Je savais déjà perdu. Et que personne ne sortirait d'ici. Que personne ne retiendrait la nuit. Qu'on n'ira pas tous au paradis. Bien avant l'heure de la ciguë. Bien avant l'heure des heures. Bien avant qu'on s'aime, tu ne m'aimais plus. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Bien avant qu'on se soit perdu. Oui, bien avant qu'on ait rien gagné. Bien avant le coup de massue. Je savais déjà tout ce que je sais. Bien avant qu'on soit dépendu. Bien avant qu'on soit des regrets. Bien avant que tout soit fichu. Je savais déjà que tu t'en foutais. Ben, mettons la 3, tu sais. Mettons la 3. Oh, oui. Ouais. Super bon. Donc, on vient d'entendre Benjamin Biolay avec Trash Yéyé, son album, et la pièce Bien Avant. On a compris que c'était Bien Avant la pièce numéro 2, j'imagine. C'est ça. Voilà. Parlant de pièce numéro 3 dans ce cas-ci. Exactement. Dany nous parle de Nadja. Oui, tantôt, je m'étais trompé. J'ai dit Nadia, mais Nadja, ça fait pas un meilleur album pour autant. Hein, non, même si c'est de quoi c'est pire. Donc, Nadja qui présente The Radiance of Shadow, qui est apparemment, d'après le dossier de presse, fait par Alienate Recording, qui a été acclamé par la critique, ses albums, et que tout le monde aime ça. C'est un ambient doom band, finalement. C'est un... Ça s'appelle du genre de ambiant, noisy, bruiteur. En tout cas, c'est... moi, j'aime vraiment pas ça. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent pour produire un album comme ça. Puis c'est ça. Il y a trois pièces là-dessus de 25 minutes. Tu peux même pas mettre ça genre avant d'aller te coucher. Tu sais, mettons, tu dis que c'est de l'ambiant. Parce que des fois, ça va arriver, c'est super calme. Tout d'un coup, t'as un méchant bruit. Tu sais, ça va te réveiller. Ah. C'est hallucinant. Bonne nuit. En tout cas, c'est ça, tu passes une belle nuit quand t'écoutes ça, c'est clair, ça te réveille. On peut en écouter quelques bouts, mais moi, en tout cas, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Non. Pourtant, Alienate Recording, c'est eux qui sortaient, tu me l'as dit tantôt, Godspeed, ouais. Black Emperor. Exactement. Je crois. Puis une couple d'autres bands assez connues quand même. Mais Radiance of Shadow, moi, en tout cas, peut-être qu'il y a plein de gens qui aiment ça, là, mais moi, j'ai vraiment pas apprécié mon écoute. Et là, vous devriez savoir à la maison que l'album, présentement, joue à son volume normal, okay. Qu'on ferait diffuser une pièce si on ne parlait pas par-dessus. Moi, je te dirais, fais-les avancer en ondes. Je l'ai fait avancer en ondes. Oh oui, ça va être drôle. Ben, j'arrive avec ça pendant que mon alarme de monde sonne et puis que je place un signal dans la boîte. Ça, c'est du direct. Et voilà, oui. Par ici, ça comme ça, et puis là, j'avance. OK, attention. Parce que faut on va comprendre pourquoi tu n'aimes pas ça. Oui. Ben, c'est parce que là, on n'entend rien, on ne pourra pas dire si on aime ça. Et là, ça avance, c'est en train d'avancer, ça sonne pareil dans le fond, mais bon, ça avance. Ouais. Y a pas, en plus, il n'y a pas vraiment de... Je vois. Ouais, ah, okay. Il y a du bruit. Ben, tu peux le laisser quand ça fait des bruits comme ça. Ça, c'est ça. C'est un genre de band qui joue dans le troisième local plus loin, avec une télé qui est allumée sur le noise, finalement. Oui, ça fait ça. Ça fait ça un peu. Tu vois, dans des locales où il y a plein de groupes qui pratiquent, là. On dirait que t'entends le troisième band qui pratique plus loin au côté de la porte avec un genre de noise. Mais c'est acclamé par la critique. Oui, oui, bien ah, ça. Oui, mais quelle critique? Ouais, exactement. Ses parents qui ont financé l'album. C'est ça. Non, mais c'est-tu quoi? Moi, j'ai un ami qui a un label de musique un peu qui ressemble à ça. Mm-hmm. Puis eux, je me suis déjà obstiné des soirées de temps. J'essaie de comprendre. Et il paraît que c'est hot. OK. Il paraît que c'est hot, il paraît que c'est nouveau puis que c'est très recherché parce que c'est joué live. Mm-hmm. Mais... Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'en live, c'est plus écoutable. Ouais, mais c'est la même chose. Parce que ça, c'est live, ça, là? Non, mais c'est ça ressemble à ça. Eux autres, okay. Ils mettent leur son et comme passer à travers un genre de filtre ou... Je sais pas. Bien, tu vois, ça vient d'arrêter. Ouais. Là, je l'ai remonté au volume normal. Ouais. En tout cas, faites-vous-en votre idée. Ben, on va l'écouter pour le reste de la deuxième heure. Bande de chanceux! Nadja, Radiance of Shadow, allez vous chercher ça, ça vous prend ça absolument. Si vous avez besoin de sous-verre. Les auditeurs du vendredi, ça va entendre les nouvelles de Radio-Canada dans quelques minutes. Les autres, restez avec nous parce qu'on revient après une courte pause d'à peine quelques minutes. C'est bien, hein? Oui. Vous êtes à la chance au courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales à CIFU 89.fm avec Anaëlle Huyez. C'est moi. Future vice-présidente aux communications. Oh! Oh, oui. Dany Janvier, futur maître du monde. Ben oui. Et Mathieu Plante, futur retraité, je sais pas. Non. On te veut toujours. Vous êtes prêts. Hey, en passant, il y a des gens qui viennent nous voir en studio, ils se demandent si c'est normal. Oui, c'est vraiment une vraie pièce qui sonne comme ça. Oui, c'est Nadja, Radiance of the Shadows. C'est super bon. Radiance of Shadows, Nadja. Aucun respect de cette musique. Il ne reste qu'une minute trente avant les nouvelles de Radio-Canada, chers auditeurs du vendredi. Les autres, je vous rappelle de rester avec nous parce qu'on revient juste après la pause. Ah, c'est fou, 89.1. C'est le temps de dire bonne chance. Là. C'est le temps de dire bonne chance. Bonne chance pour ces 1 minute et demie de souffrance. C'est ça. Noise, noise, on écoute la pièce Lava, Lava, on en parle un petit peu plus tard. À la chance! Au coureur! Au coureur! Au coureur! Oui! Arf, arf, arf, arf, arf! Lava Lava de Boys Noize. Donc, qui est derrière Boys Noize? C'est Alex Rida, 24 ans, un seul homme derrière ce projet, originaire de Berlin, en Allemagne, maintenant ici à Montréal. Et on dit que ça lui a permis de se tailler une place de choix au sein de l'industrie. Il compte parmi ses fans plusieurs artistes tels que Soul Wax, Tiga, Justice, Errol Akan et The Rapture. Il a également eu l'opportunité de collaborer avec plusieurs maisons de disques telles Kitsune, Headbanger, Fatboy Slim, Skint et Last Gang Turbo, qui est justement cet album est sur Last Gang Turbo. Last Gang, il y a plusieurs projets de Montréal qui est là-dessus. Et Turbo, c'est comme le pendant électronique de ce label. Il a été rendu célèbre par ses nombreux remixes de Depeche Mode, Faced, Block Party, Kaiser Chief. Et d'après le document de presse, Alex Rida ne cesse d'inspirer les DJ et les fervents de musique électro à travers le monde. Ça, hein, c'est comme ça nous fait toujours rire. Hein, ouais. On dit que depuis 2 ans, Boys Noize a fait vibrer les planchers de danse un peu partout sur la planète avec des tournées au Japon, aux États-Unis, au Canada et en Australie, en Scandinavie et pour ne nommer que ceux-là. Il a également participé à de divers festivals et assuré les premières parties de Soul Wax et de Justice. Boys Noize nous revient en force avec 14 nouvelles pièces électro-funk tirées, techno-électro-funk tirées de son nouvel album Oi Oi Oi qui sortira le 25 septembre prochain. Il est à Montréal au Parking Club le 13. Désolé, vous avez manqué le show. Et ben c'est ça, il y a plusieurs shows au Canada. Et il y a d'autres trucs, mais c'est juste de la masturbation intellectuelle, le reste, parce qu'il s'aime beaucoup, je pense. Oui, hein, ça a l'air à ça. Oui. Donc, on va aller écouter la pièce My Moon, My Man de Faced, remixée par Boys Noize. À l'instant, à la chance. Oh, quoi? La vlog, regarde-moi ça. Maman m'appelle. just let, just let on me. Please take it slow, take it easy on me. Just let on me. Please take it slow, take it easy on me. Just let on me. Please take it slow, take it easy on me. Just let on me. Please. Boys Noize, l'album s'appelle Oi Oi Oi, au retour, Steve Hill et Devil at My Heels, à la chance, au courant. À la chance au courant. Hey, hein? À la chance au courant, vous écoutez NASA Made de Steve Hill, de son dernier album. We'll be right back. Gaza Made, tiré du dernier album de Steve Hill, Devils at My Heels. Très bon album, très, très, très rock. On se rappelle que Steve Hill est le guitar hero du Québec, finalement. Non, mais c'est pas des jokes. Ah, c'est vrai. Reconnu à travers le monde, il a joué avec des B.B. King. Il est vraiment une inspiration pour la nouvelle génération des rockers, des guitaristes, genre à la Steve Vai, à la Jim Hendrix, à la n'importe quoi. Steve Hill est pas moins et pas plus. C'est vraiment un très bon guitariste. Il vient de Trois-Rivières en plus, encore mieux. Et Steve est à son quatrième album avec Devils at My Heels. On avait en 2002 sorti Domino, où Steve nous présentait quelque chose de vraiment plus tranquille, plus expérimental. Il y a même des trucs qui sonnaient un petit peu électro. Il avait vraiment expérimenté des trucs. On avait en 99 Call Hit What You. En 99, oui. Et on avait eu Steve Hill en 97. Tous ces albums-là étaient beaucoup plus blues, beaucoup plus tranquilles. Et c'est ça, on a entendu justement que Steve a pris 3 ans pour pratiquer, travailler, écrire des chansons avec son band. Son band avec Doom Laroche ou Rock Laroche maintenant qui se fait appeler. Ah. Et qui est justement aussi de Trois-Rivières. Et Martin Lavallée de Montréal, un excellent drummer que Steve connaît quand même depuis quelques années. Donc c'est un groupe, un trio d'amis qui nous présente un album très, très, très rock. Il a changé son son, sa rock, ses affaires, c'est hallucinant. Moi, je trouve que ça ressemble presque à du Motorhead. Il a fait plusieurs shows cet été. Il a fait rouler tout son album, justement, longtemps. Il a été faire des shows un peu partout parce qu'il voulait que, quand il arriverait à Montréal et qu'il sortirait son album, ça soit comme s'il était en tournée depuis 2-3 ans avec le même album. Il voulait vraiment que ça soit prêt. Pour ceux qui veulent le voir, il va être à Trois-Rivières le 26 septembre à l'Embuscade. C'est un show. Si vous aimez de la guitare, vous allez capoter parce que Steve, c'est vraiment un show à voir. En plus, il y a sa célèbre Gibson qui est maintenant... C'est une Gibson qui avait Flying V, vous savez, les guitares en genre de V, là, qui était rouge et blanche. Et comme il racontait, cette guitare-là, il l'avait utilisée... Oups! Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait été demandé pour faire un show lors d'une Saint-Jean-Baptiste. Puis il s'est dit, je ne suis pas pour arriver avec une guitare rouge et blanche sur le stage. Fait qu'il a fait recouvrir sa guitare de jeans. Donc, un jeans bleu. Okay. Donc, sa guitare est devenue blanche et bleue. Donc, c'est quand même assez drôle. Et c'est ça, c'est une petite guitare très célèbre. Et si vous aimez le rock, c'est à découvrir. Steve Hill, Devils at My Heels. Et on va écouter une autre pièce, la pièce éponyme. Oui, tout de suite. À la chance. Au courant. Out of breath, time out of my mind. Devil at my heels. Devil's at My Heels. Et on, c'est ça, on est en grande discussion sur qu'est-ce qu'est rock, mais tout est rock maintenant, tu sais. Tout ce qui est 4x4, c'est du rock. Mais ça, c'est du vrai rock très pesant. Steve Hill à découvrir le 26 septembre à l'Embuscade. Et puis, ben, allez voir, il y a un chemin assez intéressant, Steve. Et il a commencé dans les bars là, à 16 ans. À partir de 18 ans, il gagnait sa vie. Puis depuis ce temps-là, c'est un gars qui a 33 ans. Puis il a juste fait ça de la musique. Puis ça va bien, ses affaires, je pense. Belle carrière, oui. Steve Hill. L'album s'appelle Devil at My Heels. Très belle pochette en passant. Oui. Très rock. Ouais. Avec un logo rock. Oh oui, c'est tout à fait dans la tradition des autres groupes rock. Parle de choses qui n'est peut-être pas nécessairement dans la définition du rock d'habitude. Ben, ça doit être du rock. Peut-être. Rudy Kaya, on a reçu son nouvel album qui s'appelle Le Taureau. En fait, on l'a reçu en version cheapo un peu. Copié. Quand même, ouais, c'est ça. On va l'entendre la pièce Diego. Tu dis que Rudy Kaya est un ancien, un bon vilain. Ben, c'est le chanteur de Vilain Pingouin. C'est ça. On va voir si ça sonne Vilain Pingouin. Je dirais pas comment j'appelais Rudy Kaya avant. Mais... J'ai hâte d'entendre ça tantôt. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est la chance au courant. C'est un bon gars, Rudy Kaya. Ah ouais. Diego, j'ai hâte de jouer. Juste quelques accords. Puis toi qui frappe trop fort. Diego, j'ai hâte. Je m'ennuie de toi. Se raconter nos histoires. Changer nos déboires. La vie est ainsi faite au jeu. Tout le monde chante, tout le monde danse. On fait notre possible, d'autres leur mieux. On se perd de vue à vivre comme on veut. Ça fait une veille que je pense à toi. Et je me dis qu'il faudrait remettre ça. Je veux entendre les murs qui vibrent. Je veux sentir tes gars sont libres. J'ai hâte de jouer. Juste quelques accords. Des coups qui frappent trop fort. Diego, j'ai hâte. Je m'ennuie de toi. Raconter nos histoires, changer nos déboires. La vie suit son cours, fait ses devoirs. Tout le monde se plante et se fait avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on fait taire? Pour ça, ça prend des couilles de fer. Mais là, ça fait ben trop longtemps. Les doigts me démangent, réponds-moi. Dis-moi que t'as trouvé un local. Une coupe d'or à me sentir dans ma main. J'ai hâte de jouer. Juste quelques accords. Puis toi qui frappe trop fort. Diego, j'ai hâte. Se raconter nos histoires, changer nos déboires. Diego, j'ai hâte de jouer sans toi cette obscurité. Diego, j'ai hâte. Puis je m'ennuie de toi, sans toi c'est l'obscurité. Diego, j'ai hâte de jouer, sans toi c'est l'obscurité. Jouer c'est mon étoile. Diego, j'ai hâte de jouer, juste quelques accords. Puis toi qui frappe trop fort. Diego, j'ai hâte, je m'ennuie de toi. Se raconter nos histoires. Changer nos déboires. Diego, j'ai hâte de jouer. Juste quelques accords. Puis toi qui frappe trop fort. Diego, j'ai hâte. Je m'ennuie de toi. Se raconter nos histoires. Changer nos déboires. Comme ça sonne même pas si bien que ça en plus, hein, c'est... Rudy Kaya, avec une pièce de son plus récent CD qu'on vient de recevoir assez fou cette semaine. La pièce s'appelait Diego. Diego de son album Le Taureau. Pour ceux que ça intéresse, le lancement officiel se fera le mercredi 10 octobre au bar Le Belmont, coin Saint-Laurent et Mont-Royal. Donc on suppose que c'est à Montréal. C'est pas écrit, mais on suppose. Hein? C'est vrai qu'il écrit jamais quand c'est Montréal. Hein? Non, c'est pas comme évident pour tout le monde. Enfin, comment? Ben, c'est tellement sûr que c'est Montréal. T'sais, ou ailleurs que Montréal. Nulle part ailleurs. Mais c'est pas le centre du monde, ça, Montréal? Ah, ben... ah, c'est juste après Paris, c'est vrai. Oui, excusez-moi, c'est Toronto. Après Paris. Toronto, je pense aussi. Alors oui, on dit que Rudy Kaya et ses musiciens débuteront leur série de concerts le 22 septembre à Joliette pour se terminer le 3 novembre à Drummondville. Et pour plus de dates, en fait, parce que ça finit pas le 3 novembre, mais c'est la liste qu'on a qui termine le 3 novembre. Pour plus de dates, allez sur le www.preste, donc preste.ca. Il y a aussi le myspace.com/RudyKaya. Moi, je l'ai dans mes amis, Rudy Kaya. Hey, mais sérieux, ça va être vraiment pour les fans de Vilain Pingouin. Ouais, c'est tout. Parce que sinon, ouais, c'est ça. ça fait le tour un peu, hein? Ouais. Ouais, bon. Pauvre lui. C'est pas grave, on l'a reçu, on l'a passé quand même. Bon. On a terminé le francophone pour vrai cette fois-ci. Il nous reste seulement de l'anglophone, excepté que, vous, comme vous l'avez peut-être remarqué, il reste que 15 minutes à l'émission. Hein? Donc on va passer un petit peu d'anglophone. Miwa Gemini avec l'album This Is How I Found You. Et on va l'entendre tout de suite à la pièce Picnic à la chance. Ouh! Ah, c'est fou, 89.1 FM. Gemini avec la pièce Picnic. On continue avec Traveling Man, toujours de l'album des César I Found You. Pendant qu'on trouve des infos, on vous en parle et on termine l'émission dans à peine quelques minutes. C'est la chance! Au revoir! My man, he's a traveling man. You might see him go from town to town. He's got friendly manners and charming smile. He surely knows he's good looking. But ladies, I'll be careful if I were you, if you ever meet my traveling man. My man, he's a traveling man, but he never tells me where he's been. But it's not hard to find out where he's been. He broken heart. Just follow the trail of broken hearts. If you wanna meet my traveling man, my man, he's a traveling man. You might see him going from town to town. I wonder if he's wearing his wedding band. I'm surely getting tired of all these women looking at me. Looking at me like I'm in their way. Between them and my traveling man. Just about had enough, so I put on my coat and left him. Left for good with a friend of a traveling man. Miwa Gemini avec Traveling Man, précédé de Picnic. Ça vient de l'album qui s'appelle This Is How I Found You. Miwa Gemini dans l'alternatif blues rockabilly de New York aux États-Unis. Si vous voulez plus d'informations sur le groupe, allez voir le miwagemini.com, miwagemini.com. Les membres sont Miwa à la voix, guitare, banjo, mandoline, piano, accordéon. Sacha au chat de porcelaine. Ok, d'accord. Marianne au piano, Eric au banjo et Brian à la batterie. Et n'oublions pas une Meggy Soul sur le tambourin et sur les backing vocals. C'est ce que ça dit. Ils vont être en spectacle un petit peu partout au Canada parce que ça leur tente. Je vais dire parce que c'est un groupe canadien, mais c'est pas le cas. Mais pas de date au Québec en ce moment. Leur site web, c'est le miwagemini.com ou encore myspace.com/miwagemini. Il nous reste à peine quelques minutes à la chanson coureur avec Anaëlle Huyez. C'est moi. Salut. Dany Janvier. Allô. Allô. Karine Coutier. Bonjour. Salut. Tout plein de monde qui sont tous là autour de moi. Et moi, c'est Mathieu Plante. Un dernier petit album d'anglophone et avant de passer au coureur de la semaine qu'on va encore décider à la volée comme ça, entre deux pièces. Voici Black Francis avec l'album Blue Finger et la pièce Captain Pasty. Pasty. D'accord. OK. Captain Pasty, high in the skies, Black Francis avec l'album Blue Finger et la pièce Captain Pasty à la chance au coureur. Black Francis dans le punk metal alternatif. Et si vous voulez plus d'informations, en fait, moi je suis sur le MySpace fan là-dessus. C'est sur myspace.com/blackturnright. Mais je crois qu'il y a une autre adresse. Je vais la poster sur le unechance.com parce que je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Voilà qui fait donc le tour. Black Francis, l'album c'est Blue Finger. C'est la fin de la chanson coureur pour cette semaine. Il nous reste seulement à couronner le coureur de la semaine qu'on a choisi comme ça parce qu'il n'y avait pas grand-chose de génial cette semaine. Mais bon, c'est pas par défaut, pas que c'est pas bon. Parce que j'adore, on avait confié, c'est très, très, très, très bon, très, très bon. Mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus de compétition là-dedans, tu sais. Hein? C'est-tu deux disques? Oui, deux disques. Wow. C'est super le fun. Deux superbes disques de l'avait confié en un seul. Il s'appelle LP2. Si vous voulez vous le procurer, on va l'entendre une pièce de cet album dans à peine quelques secondes. Mais avant ça, on doit se quitter. Donc, je remercie Danny Janvier. Bonjour. Bonjour, à bientôt. Anna Luyez. Ça m'a fait plaisir. À bientôt encore. Caroline Cloutier. Ça m'a également fait plaisir, même si j'ai parlé à peu près 3 secondes. C'est pas grave, c'était des secondes mémorables. Une seconde, deux secondes, c'est toujours mieux qu'une seconde. Ouais, effectivement. Voilà. Donc, merci à vous trois. Moi, je vous remercie à vous d'avoir écouté à la maison, que vous soyez. Merci, c'est toujours très, très le fun de vous avoir avec nous. Moi, je vous retrouve aussi à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les lundis à 11h, à les Palmarès C'est Fou, les vendredis soirs à 17h. La chance au coureur est en direct le vendredi matin à 10h. Et les liens sont sur le www.unechance.com. Même place que pour la balado-diffusion en MP3, ça vous tente d'aller écouter ça. De la part de Danny Janvier, Alain Liaz, Caroline Poussier et Mathieu Plante, très très bonne semaine. Je m'appelle Mathieu Plante, je suis en train de vous dire au revoir. Au revoir! Bye bye! Bye bye! La pièce de la confie qu'on s'en va entendre, c'est 28-12-05 de la face B. À la semaine prochaine!